Ta femme est devenue un fantôme et elle sait tout de toi. Oui, maître. Vous comprenez, habitant le pays des morts, elle a accès à ces mystères qui nous dépassent. Elle connaît le passé, l'avenir et fouille à son gré dans mes moindres pensées. Je vois, dit le maître en se grattant un orteil avec un petit bâton de bambou, car il avait plu, et un peu de boue avait éclaboussé ses pieds nus dans les sandales. Je vois. Que dois-je faire, maître ? Tu es jeune, Ayoshi. Ton cœur est neuf et tendre. Il est aisé d'assurer son pouvoir sur toi. Je vais t'aider. Le jeune veuf se confondit en remerciements et déclara : Je suivrai vos conseils, maître. Je m'y conformerai en tout point. Indiquez-moi seulement la voie. Quand le fantôme de ton épouse apparaîtra, confesse humblement ton ignorance. Loue ses étonnantes connaissances. En un mot, flatte-la et propose-lui un marché. Si tu peux répondre à une dernière question, je serai définitivement convaincu de tes pouvoirs surnaturels. Je renoncerai à Yoyori, qui n'est qu'une simple mortelle, et je serai ton époux fidèle à jamais. Hélas, s'exclama Hayoshi, c'est elle qui va l'emporter, j'en suis sûre. Ce qu'elle ne sait, elle le devine. Rien de ce que je fais ou pense ne lui est caché. Suis mon conseil, déclara un peu rudement le maître, ou si tu ne veux pas m'écouter, va-t'en. Hayoshi, troublé, affolé, acquiesça. Je vous obéirai, maître. Prends dans ta main droite fermée une grosse poignée de graines de soja et demande-lui combien il y en a. C'est tout ? Demanda Hayoshi. Le maître du zen ne répondit pas. Il s'était installé en zazen et méditait. Hayoshi rentra chez lui. La nuit même, le fantôme de son épouse réapparut. « Tu es allé rendre visite à un maître du zen, ricanait-elle. Croyais-tu que je l'ignorais et pensais-tu pouvoir m'échapper ?» Hayoshi plongea alors sa main droite dans un tas de soja, en saisit une grosse poignée qu'il présenta dans sa main fermée. « Combien y a-t-il de graines ? » demanda-t-il. Le fantôme de Kiryoka se dissipa dans l'air et ne reparut jamais. Il suffit de peu de choses, un zeste de bon sens, une question claire, un rire pour désarçonner les faux gourous qui manipulent les âmes simples, les esprits sensibles ou fragilisés en s'enveloppant d'ombre et de mystère. Quelques graines de soja et s'évanouissent les fantômes.